Salut tout le monde, 24 août, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des voyageurs de Jonquière qui ont remporté le premier match d'une série 4-7 contre les Alouettes de Charlebourg hier au stade Richard Demeul par la marque de 6-5. C'était un match très très serré, il y avait 1200 spectateurs qui étaient réunis à Ville-Saguenay pour ce match. Un ballon sacrifice de William Tremblay en fin de sixième manche a fait la différence. Le deuxième match de série sera disputé à Charlebourg ce soir et Yann-Éric Tremblay sera au Monticule. Les Saguenay de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont acquis le vétéran joueur de centre Jesse Sutton en retour d'un choix de deuxième ronde au prochain repêchage. Donc la transaction qui a été bâclée avec les Remparts de Québec. Les Sags également dans cette transaction obtiennent le septième choix des Remparts à la prochaine enquête. Sutton a amassé 46 points la saison dernière, dont 22 buts. On le décrit comme un joueur polyvalent capable d'évoluer dans les deux sens de la patinoire. Il peut aussi bien jouer à l'aile qu'au centre. Les Saguenayens qui ont libéré trois joueurs hier, dont Thomas Larouche, qui est natif de Roberval, qui a très bien fait au camp des Sags. Larouche qui va rejoindre le collège d'Alma. Les Marquis Jokers ont annoncé que le défenseur Alexandre Kennel sera de retour la saison prochaine. Kennel a amassé 42 points la saison dernière. Le défenseur Jonathan Diaby a aussi signé avec les Marquis. La Coupe Hockey Genois s'arrêtait à l'Abbé mercredi soir. À noter qu'au 10 km, Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, a terminé au deuxième rang avec un temps de 40 minutes et 2 secondes. Au 1 km garçon, Alexis Saint-Pierre, également de Saint-Augustin, a pris le deuxième rang avec un chrono de 4 minutes 36 secondes. Au golf maintenant, au circuit canadien Pro Tour qui se déroule actuellement à Saint-Georges-de-Beauce, Pierre-Alexandre Bédard a joué 74, soit plus 2. Hier, il a terminé en 74e position. Tant qu'à Lucas Dupéré de Dolbeau-Mistassini, il a terminé sa journée de travail à plus 1 et il n'a pas pu éviter la coupure. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand. Aussi, on a parlé avec Stéphane Lebeau sur le reportage qui a été diffusé mercredi soir sur les ondes de TSN, où on apprend que Joe Murphy, qui a été le premier choix au repêchage des Red Wings de Troyes en 1986, est maintenant dans la rue. Et Joe Murphy, qui a connu beaucoup de misère, problème de drogue, problème de consommation d'alcool, commotion cérébrale. Donc, Stéphane Lebeau réagit au reportage de TSN. Et également, vous pouvez écouter David Ménard des Lions de la Colombie-Britannique, qui est natif de la région. David Ménard qui nous parle de sa saison. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.